إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر كما قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فبعضها أكبر في قبح من بعض والعياذ بالله وإن من أكبر الكبائر ما ثبت في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه عباد الله يتجلى في هذا الحديث الشريف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وخوفه عليها مما يضرها فحذرها من أكبر الكبائر لأنها موبقات مهلكات تفسد على الناس دينهم ودنياهم وأولاهم وأخراهم فأكبر الكبائر هو الإشراك بالله والإشراك بالله معناه أن يعبد مع الله معبود آخر كدعاء الأنبياء والأولياء والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم والتوكل عليهم وغير ذلك من صور صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى والشرك أعظم الذنوب وأكبرها كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم وأخطرها لأنه يحبط جميع الأعمال الصالحة فهو كالحدث للطهارة كما يبطل الحدث الوضوء كذلك يبطل الشرك جميع الحسنات كما قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولأنه يوجب الخلود في النار فمن مات يشرك مع الله معبودا آخر كان من أهل النار الخالدين المخلدين كما قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله سبحانه وتعالى في المشركين وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالميت على الشرك الأكبر قد يئس من رحمة الله فلا تناله رحمة الله، كما قال الله تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. ولا ينصره ناصر ولا يشفع فيه شافع والعياذ بالله، كما قال الله تعالى فما له من قوة ولا ناصر، وكما قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم ثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعقوق الوالدين، لأن حق الوالدين عظيم جليل كبير. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعقوق الوالدين لا ينحصر في سورة واحدة، فكل إساءة بالقول أو الفعل أو الإشارة أو غير ذلك فهي داخلة في العقوق بحسب قبحها وشناعتها. عباد الله، إن الوالدين باب واسع من أبواب الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. أخرجه مسلم. فتعاهدوا علاقاتكم بآبائكم وأمهاتكم، ألينوا لهم الكلام واخفضوا لهم الجناح وأصبروا على برهم وتعاهدوا بالصلة والهدايا والزيارات والاتصالات. تفقدوا عليهم وأنفقوا عليهم، أكثروا لهم من الدعاء والاستغفار في سركم وجهركم، فإن الله ينفعهم بدعائكم نفعا عظيما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. أخرجه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. ومن البر بهم صلة أرحامهم وأصدقائهم، فذاك جزء من برهم بعد موتهم. عن عبد الله بن دينار رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجل من الأعراب لقي عبد الله بن عمر بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامته كانت على رأسه. فقال ابن دينار فقلنا له، يعني لعبد الله بن عمر بن الخطاب، فقلنا له أسلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. أخرجه مسلم. عباد الله، فبعد أن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك وعقوق الوالدين حذر من جرم خطير، ومع ذلك لا يبالي به كثر من الناس، ألا وهو قول الزور وشهادة الزور، وهو القول المائل عن الحق ويدخل فيه القول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، ويدخل فيه تزكية أهل الأهواء والبدع ومدحهم والثناء عليهم أو تصحيح بداعهم، ويدخل فيه الشهادة بالباطل في الخصومات لحرمان الخصم من حقه أو اتهامه بما ليس فيه، أو الشهادة بالباطل لجر مصلحة لقريب أو صديق، أو بقصد الحصول على منفعة مادية أو معنوية. إن شخص قد يقتل بشهادة زور، وقد يرجم بشهادة زور، وقد يجلد أو يقطع بشهادة زور، وقد يسجن أو يغرم أو يلوث عرضه بشهادة زور، قد يصلب ماله وينزع عنه ملكه بشهادة زور. فشهادة الزور تجر من المفاسد والأضرار العاجلة والآجلة ما لا يمكن عده ولا حصره. لذا اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها، وكرر التحذير مرة عديدة حتى أشفق عليه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فقالوا ليته سكت. فاتقوا الله عباد الله في أقوالكم وشهادتكم، لا تشهدوا إلا بما علمتم، ولا تشهدوا إلا بالحق والعدل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله بما تعملون خبير. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر والخفي. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد. سيرفيتور دالله، كرني الله عز وجل كما se doit. Et ne mourrez qu'en étant musulman soumis à Allah عز وجل. Craignez Allah Azza wa Jal et Allah vous éduquera, vous donnera la clairvoyance et la bonne compréhension dans la religion. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit et sachez qu'Allah Azza wa Jal nous observe tous constamment. Serviteur d'Allah, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah le Très-Haut. Et que la meilleure des voies des guidés est la voie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahabes. Et que les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion d'Allah. Et toutes choses inventées dans la religion d'Allah afin de se rapprocher d'Allah azza wa jal, tout cela sont des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement. Tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteurs d'Allah, les péchés se divisent en majeurs et mineurs, tels que la parole d'Allah Azza wa Jal, dans la traduction du sens du verset, « Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte. » et nous vous ferons entrer dans un autre, dans un endroit honorable, yani le paradis. Puis les péchés majeurs se dépassent. Certains sont pires dans le mal que d'autres, qu'Allah nous en préserve. Et parmi les plus grands de tous les péchés, ce qui est rapporté authentiquement dans le hadith rapporté par Abu Bakr radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vais-je pas vous informer des plus grands péchés? Nous avons dit: certes, ô envoyé d'Allah. Il dit: l'association à Allah, l'ingratitude, yani le mauvais comportement avec les parents. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était appuyé, alors il s'est mis en position assis et s'est mis à dire: certes, la fausse parole et le faux témoignage. Certes, la fausse parole et le faux témoignage. Et il ne cessait de le répéter jusqu'à ce que nous disions s'il pouvait s'arrêter. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Serviteur d'Allah, ce hadith nous montre combien notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam porte toute son attention et prend soin de sa communauté, en les mettant en garde contre ce qui la nuit, en les avertissant des plus grands péchés qui annulent et corrompent la religion des uns et des gens et de leur vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le pire de tous les péchés majeurs, le pire de tous, c'est l'associationnisme, ou encore appelé le polythéisme à Allah Azza wa Jal, le fait d'associer quelque chose ou quelqu'un à Allah le Très-Haut. L'associationnisme à Allah Azza wa Jal consiste à adorer avec Allah une autre divinité. Il ne faut pas croire ou penser que l'adoration concerne ou se limite uniquement dans la prière. Et que si un individu invoque autre qu'Allah, il n'y a pas de mal dans cela. C'est ce qu'il croit, et cela est totalement faux. L'associationnisme à Allah, le fait d'associer quelque chose à Allah Azza wa Jal, consiste à adorer avec Allah une autre divinité, en invoquant autre qu'Allah, telle que l'invocation vouée aux hommes pieux, aux alliés d'Allah, aux prophètes ou aux anges. Les prendre pour intermédiaires auprès d'Allah Azza wa Jal. Sacrifier des animaux pour ce qu'ils appellent ces awliyas, en pensant qu'ils se rapprochent d'Allah Azza wa Jal par cela. Placer sa confiance en eux. Les craindre comme on se doit de craindre Allah. Une crainte secrète, profonde dans le cœur. L'individu, lorsqu'il rentre dans la mosquée et renouvelle son intention afin que l'acte d'adoration qu'il fait ne soit qu'à Allah Azza wa Jal, il est pris par du khushu'. Certains individus s'affiliant à l'islam ressentent ces émotions, cette crainte, comme lorsqu'ils vont voir des gens enterrés dans des mausolées. Une crainte secrète, pensant que cet individu risque de leur apporter un malheur ou de leur apporter un bien ou les protéger de quelconque malheur. Cette crainte-là, les actes du cœur, sont un acte d'adoration. Alors que tous les actes d'adoration ne doivent être voués qu'à Allah Azza wa Jal seul, sans aucun associé. Que ta croyance soit ferme, claire, pure, correcte. Tu sais que ta crainte, ton khushu', ton intention, tu sais que qui peut répondre à ton invocation? Seul Allah Azza wa Jal peut. Allah Azza wa Jal dit: ad'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai. Les actes d'adoration ne sont pas liés uniquement à la gestuelle, mais il y a les actes du cœur et les actes également au niveau des membres. Tout ne doit être voué qu'à Allah Azza wa Jal seul. Ne corromps pas ta croyance en pensant qu'un fer à cheval ou une main de Fatma ou un anneau en cuivre ou un homme qui est mort peut avoir une influence dans ta vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que tous les prophètes et messagers qui ont été envoyés par Allah Azza wa Jal sont venus afin d'éradiquer cette fausse croyance. Que l'adoration ne soit vouée uniquement qu'à Allah Azza wa Jal seul. Et que tu te désavoues fortement et clairement de tout ce qui est à invoquer ou adorer en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jal est l'unique créateur. Le reste, c'est juste de la créature, la création. Personne ne peut être bénéfique, ne peut t'apporter un bien ou ne te faire un mal, excepté si Allah Azza wa Jal le permet ou l'a décrété. Si tous les djinns et les humains se réunissent pour te nuire dans quelque chose, qu'Allah Azza wa Jal n'a pas décrété, ils ne te nuiront en rien. Et si tous les djinns et les humains se réunissent afin de retenir un bien qu'Allah Azza wa Jal a décrété que tu le recevras, ils ne pourront pas le retenir. La plume a été levée. L'associationnisme est le pire et le plus dangereux de tous les péchés, car il invalide toutes les œuvres pieuses. Toutes les œuvres pieuses. Il est comparable à l'impureté lorsqu'on fait les ablutions. Si l'individu a perdu ses ablutions, sa prière est invalide. Il ne peut pas faire sa prière tant qu'il n'a pas les ablutions. Comme l'impureté invalide les ablutions, c'est également le cas. L'associationnisme invalide l'ensemble des bonnes œuvres. Tel qu'Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, « Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. » Tout ce qu'ils auraient fait aurait été certainement vain. Et Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, « En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. » Et comme l'associationnisme rend obligatoire l'éternité en enfer, quiconque donc meurt en associant à Allah autre chose qui est adorée ou son cœur est attaché à cette chose-là, en dehors d'Allah, et qu'il meurt dans cet état, il fait partie des gens du feu. S'il meurt sans s'être repenti d'avoir commis cet associationnisme majeur, invoqué ou adoré autre qu'Allah, s'il meurt dans cet état sans repentance, il fait partie des gens du feu. Ceux qui demeureront éternellement en enfer, comme Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Et Allah Azza wa Jal dit, la traduction du sens du verset, ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront point. Et ils auront un châtiment permanent. Et Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Le mort sur du shirk akbar, sur de l'associationnisme majeur, désespère de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Car la miséricorde d'Allah ne l'atteindra pas. La miséricorde d'Allah ne l'atteindra pas. Tel qu'Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah et à sa rencontre désespèrent de ma miséricorde, et ceux-là auront un châtiment douloureux. Nul ne pourra le secourir. Nul ne pourra intercéder en sa faveur, qu'Allah nous en préserve. Tel qu'Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, il n'aura alors ni force ni secoureur. Et Allah Azza wa Jal dit également dans la traduction du sens du verset, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Puis dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné par la suite, après avoir mentionné le pire des péchés, le fait d'associer une divinité ou quelque chose à Allah Azza wa Jal, il mentionne ensuite l'ingratitude ou le mauvais comportement avec les parents. Car le droit des parents est extrêmement important, majestueux. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, « Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux, ou tous deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « Ouf !» et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. » Et dit, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Et l'ingratitude envers les parents ne se limite pas à un seul cas. Mais cela regroupe l'ingratitude avec la parole, avec les agissements ou la gestuelle. Ou lui faire comme ça. Allez. Et tout ce qui entre dans le mauvais comportement. Serviteur d'Allah, les parents représentent une porte large du paradis. Celui qui en est privé est celui qui a ses deux parents vivants ou un des deux parents vivants et qui ne se comporte pas bien avec eux. Selon Abi Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Est humilié !» Il lui fut demandé « Qui, ô envoyé d'Allah ?» Il répondit « Celui qui atteint ses parents, toujours vivant, ou l'un d'eux, mais qui ne rentre pas au paradis. » Rapporté par Muslim dans ce Sahih. Renforcez donc vos relations avec vos pères et mères. Soyez doux avec eux dans la parole. Abaissez pour eux l'aile de l'humilité. Même si tu sais plus de choses ou tu as étudié, ça ne sert à rien de bomber ton torse devant ton père et lui dire « Viens, je vais te montrer. » Tu es son fils. Il t'a éduqué. Il t'a acheté ce dont tu nécessitais. Et aujourd'hui, tu veux inverser les rôles. Se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Abaissez pour eux l'aile de l'humilité. Et patientez sur leur bonté. Et conservez les liens de parenté. Offrez-leur des cadeaux. Rendez-leur visite. Contactez-les souvent. Prenez des nouvelles d'eux. Dépenser pour eux. Et ceci concerne le musulman dont ses parents sont musulmans, mais également le musulman dont ses parents sont des kofars. Le musulman dont ses parents ne sont pas musulmans, sont des mécréants. Il se doit d'être bon avec eux. Il les déteste en Allah pour la mécréance, mais il se doit d'être bon avec eux. Lorsqu'on dit d'être bon avec tes parents qui sont mécréants, ça ne veut pas dire que tu dois adopter leur religion. Non, tu te désavoues de cela. Et c'est d'être bon avec eux. Ton bon comportement peut être une da'wa pour eux vers l'islam. Mais tu te dois d'être bon avec tes parents. invoquent Allah Azza wa Jal souvent, qu'il leur pardonne. Le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal très souvent afin qu'il leur pardonne, cela est en faveur d'eux. Et cela leur sera bénéfique après la mort. Selon Abi Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah élève en degré le serviteur pieux au paradis, qui dit alors, il est élevé. Chaque individu sait en toute réalité ce qu'il vaut auprès d'Allah azza wa jal. Il se retrouve étonné d'être levé à des degrés hauts au paradis. Alors il se met à dire, ô mon Seigneur, d'où me provient cette élévation en degré ? Et Allah Azza wa Jal lui dira, par les demandes de pardon faites en ta faveur par ton fils. Rapporté par Ahmed ibn Majah et authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah. Parmi les bons comportements envers les parents, c'est également de conserver leurs liens de parenté, ainsi que les liens avec leurs amis. Ceci étant une partie du bon comportement envers eux après leur mort. Selon Abdallah ibn Dinar, rahimahullah, de Abdallah ibn Omar, radiallahu anhuma, un homme des Bédouins l'a rencontré sur le chemin de la Mecque. Abdallah ibn Omar, radiallahu anhuma, le salua et le fit monter sur l'âne sur lequel Abdallah ibn Omar il était. Eh bien, il lui laissa l'âne et ce Bédouin monta sur, il le laissa monter sur l'âne. Et lui donna également ce qu'il avait sur la tête, l'imam. Alors Abdallah ibn Dinar, rahimahullah, a dit, nous lui dîmes qu'Allah te donne de la bonté. Ce sont des bédouins et les bédouins sont satisfaits de peu. Abdallah ibn Omar répondit, le père de celui-ci était ami de Omar ibn Khattab. Et j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la meilleure des bontés est que le fils conserve les liens avec la famille des amis de son père. Rapporté par Muslim. Serviteur d'Allah, après que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'associationnisme, contre l'ingratitude envers les parents, il mit en garde contre un crime dangereux. Et malgré cela, beaucoup parmi les gens ne lui donnent pas d'importance. Ceci étant la fausse parole et le faux témoignage. La fausse parole et le faux témoignage est la parole qui est loin de la vérité, qui n'a rien à voir avec la vérité. Et entre dans cela, dans la fausse parole et dans le faux témoignage, entre dans cela le fait de parler sur Allah Azza wa Jal sans science. Le fait de parler sur Allah Azza wa Jal et sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans science et sans savoir, cela fait partie de la fausse parole et du faux témoignage. Entre également dans cela le fait de recommander et d'encourager et de supporter les gens des passions et de l'innovation religieuse, les complimenter, leur chercher des excuses, leur rendre hommage ou justifier leur innovation et leur égarement. Rappelez-vous ce hadith rapporté par Ali radiyallahu anhu, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, la'anallahu man awa muhditha. Allah a maudit, que la malédiction d'Allah soit sur celui qui accommode ou supporte un innovateur. Entre également dans cela, dans la fausse parole et le faux témoignage, le fait de témoigner avec fausseté dans les disputes, lorsque il y a une dispute entre deux parties, le fait de témoigner avec fausseté afin d'empêcher que l'adversaire reçoive son droit, son dû, ou bien le fait de l'accuser de choses qu'il n'est pas, ou témoigner avec fausseté pour l'intérêt d'un proche ou d'un ami, ou bien pour avoir un bien mondain. Certains peuvent se faire tuer à cause d'un faux témoignage. Certains peuvent se voir jugés injustement à cause d'un faux témoignage. Certains peuvent être mis en prison injustement à cause d'un faux témoignage, ou que ses biens lui soient retirés à cause d'un faux témoignage. Le faux témoignage entraîne de nombreux maux et salit même l'honneur d'une personne. C'est pour cela que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam continua de répéter cette mise en garde contre la fausse parole et le faux témoignage, jusqu'à ce que les compagnons disent s'ils pouvaient s'arrêter. Serviteurs d'Allah, craignez donc Allah azza wa jal comme il se doit. Craignez donc Allah dans vos paroles, vos témoignages. Ne témoignez uniquement de ce dont vous connaissez parfaitement. Et ne témoignez uniquement qu'en étant véridique. Allah azza wa jal dit, dans la traduction du sens du verset, « Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux. Allah a priorité sur eux deux et il est le plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Et Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, « Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. » Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous guider tous sur la voie prophétique, de nous montrer la vérité comme étant vérité et qu'on l'accepte, et de nous montrer le faux comme étant faux et qu'on l'évite et qu'on s'en désavoue et qu'on s'en sépare. Allahumma aslih ahwal al-muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ahl al-sunna fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwik wa aduwahum. Allahumma alayka bi kulli man adha ahl al-sunna fi kulli makan. Allahumma aghfir lana wa liwalidayna. Allahumma arham mawtana wa mawt al-muslimin الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وبارك لنا فيما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.